Facebook. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Passez une bonne journée et à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos présentées par vous, Natacha Stragi, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le ministre britannique des Affaires européennes a exclu la tenue d'un deuxième référendum sur le Brexit. En démocratie, il faut respecter les résultats des élections et s'y soumettre, a déclaré David Lidington hier à Varsovie. Il a rappelé que la participation au référendum a été très forte, plus de 72% des électeurs, ce qui représente plus de personnes qu'aux dernières élections parlementaires. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie, il y a un nombre record de traversées vers l'Italie. Selon Frontex, l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures, il y a désormais 13 à 14 fois plus de réfugiés qui quittent la Libye vers l'Italie que de la Turquie vers la Grèce. Si le flux de migrants depuis l'Afrique de l'Ouest vers la Libye reste identique, on doit s'attendre à 300 000 personnes qui fuiront cette année depuis l'Afrique de l'Ouest vers les pays du nord du Maghreb, dit le directeur de l'agence. Maria Sharapova, ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin et sportive la mieux payée du monde jusqu'à l'annonce de sa suspension pour dopage en janvier dernier, va étudier l'économie à Harvard. La Russe de 29 ans veut ainsi mettre à profit ses 2 années de mise à l'écart des cours dans l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses du monde, située à Boston. Les transports bruxellois de la STIB seront gratuits pour les festivaliers de couleur café du 1er au 3 juillet prochain. Les festivaliers doivent utiliser un event pass fourni avec leur ticket. Les horaires des transports bruxellois seront également adaptés. Chaque année, le festival Couleur Café attire près de 70 000 personnes. La météo, il fera surtout sec aujourd'hui avec des périodes ensoleillées. Les maximales cet après-midi seront comprises entre 17 et 22 degrés. La pluie pourrait faire son retour ce soir et durant la nuit, surtout dans la partie nord du pays. Jean-Marc Strel, de gros problèmes sur la Nationale 5. Effectivement, un accident impliquant plusieurs camions s'est produit sur la N5 Charleroi-Couvin au kilomètre 61, à hauteur de Tarsienne. Vous passez via des voies de circulation rétrécies à contresens, donc ce n'est pas complètement fermé, donc forcément des ralentissements en direction de Couvin. Cet accident, en tout cas les conséquences pourraient durer longtemps, donc soyez vigilants, évitez la N5 ce matin. Il y a un accrochage sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure entre Tervuren et Léonard. La bande de droite est neutralisée, c'est en direction de Waterloo. En ce qui concerne les temps de parcours, l'intérieur Grand Bigard, au titre Grand Bigard, pardon, vous ajoutez 14 minutes à votre temps de parcours, ça diminue. Et pour le ring extérieur Grand Bigard, au titre, là, nous ne sommes plus dans le rouge, vous ajoutez 3 à 4 minutes. Pour accéder à Bruxelles, toujours un peu de monde sur le 411 venant de Namur, entre Jesus Eyck et Léonard, le 40 venant de Gand, entre Ternat et Grand Bigard. Vous ralentissez également dans le tunnel Boileau vers Mézières et toujours dans la plupart des chantiers. Le 40, Bruxelles, la Chapelle, la Chapelle, le chantier Tacherade vers Bruxelles, ça coince entre Barchon et Herstal notamment. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Voilà, je vous laisse la place, mon cher Sébastien. Merci Natacha, retour de l'info évidemment à midi. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Nous sommes le 28 juin. Il n'est jamais trop tard. Trop tard pourquoi, me direz-vous? Eh bien, trop tard, il n'est jamais trop tard pour remplir la déclaration fiscale. Il n'est pas encore trop tard. Non, mais bientôt. Ça sent mauvais. C'est pour ça qu'on a demandé un spécialiste. Nicolas Ronhon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller général auprès de l'administration fiscale.

City, Adam Levine sur Vivacité avec Locked Away. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Déjà des questions qui arrivent sur Facebook et sur le SMS pour Nicolas Ron, le conseiller général auprès de l'administration fiscale. Ces questions, on y répondra dans quelques instants. Mais oui, on a dépouillé votre courrier aussi. Oui. Et hier, vous nous parliez de glace. C'est surtout Robert qui nous parlait de glace, de sorbet, autre truc qu'on aime bien sucer l'été. Exactement, quand il fait bien chaud. Vous avez été nombreux à réagir et à partager vos bons plans pour déguster une bonne glace sous le soleil. Voilà, alors Manu nous parle de Fleur de lait à Wépion et Marthe à Auvelay qui battent haut la main Carrette à Wavre. On nous parle de Gourmandise à Spa, de Mystère et Boule de glace à Ledain, Il Gelato à Uccle. Si vous voulez faire un tour des glaciers cet été, faites-vous plaisir. On nous parle tu également de 1000 calories si tu fais. De Galère à Liège. Des glaciers cet été, faites-vous plaisir. On nous parle tu également de 1000 calories si tu fais. De Galère à Liège. Glace de chez Capou à Bruxelles. Idylle glacée à Namesh, c'est près d'Andenne. Eric nous parle du Roi Royal Ice Cream à Nivelles, souvenez-vous, on l'avait reçu il y a quelques jours ici, c'était juste délectable. On nous parle également de... Mickaël nous parle de sa femme et de sa fameuse turbine à glace, parce qu'on peut également aller faire soi-même. Et la femme de Mickaël et sa turbine à glace. Et Nadine nous parle de Gaston, qui serait donc un nouveau glacier quai Aubryc à Bruxelles. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Bah écoutez, on a fait un petit peu un tour de Belgique non exhaustif. Bon, on est bon pour cet été, on n'a qu'à aller se promener. Oui. Daniel nous a aussi demandé par mail si nous avions des astuces naturelles contre les fourmis. Alors il nous écrit... Ma pelouse se voit de plus en plus envahie. Si nous avions des astuces naturelles contre les fourmis. Alors il nous écrit, ma pelouse se voit de plus en plus envahie. Poudre anti-fourmis, et cela à plusieurs reprises. Rien n'y fait. À certains endroits, ces fourmilières ressemblent à de vraies taupinières. Existe-t-il un remède efficace? Alors, je vais donc jouer mes Hubert ce matin. Alors, il y a plein de remèdes efficaces naturels, mon cher Daniel. Moi, je peux vous en proposer deux tout de suite. C'est planter du basilic et ou de la menthe. Ou alors, vous mettez tout simplement des feuilles de basilic, puisque cette plante aromatique est détestée par les fourmis. Vous allez les mettre dans votre jardin ou dans votre maison et vous allez constater que les petites fourmis vont changer immédiatement d'itinéraire. Donc, vous faites une barrière de feuilles de menthe ou une barrière chez ton voisin. Ça fonctionne et l'avantage de ces deux plantes, c'est que ça sent super bon. D'accord. Et puis, il y a aussi des questions que vous avez posées à notre expert fiscal, Nicolas Ron. Alors, petit patchwork non exhaustif des questions qui vous taraudent. Quid concernant le cadastre d'un bien vendu? Questions concernant des déclarations conjointes ou au contraire, en cas de séparation? Mais, on va commencer par le début. Vous êtes excessivement nombreux à nous demander quand faut-il rendre, cette fameuse déclaration. Bon. Alors, Nicolas, pour le format papier. Pour le format papier, il vous reste deux jours. Donc le 30 juin, c'est vraiment votre dernier délai. Après, ce sera trop tard. Oui, à ce moment-là, il faut clairement la glisser dans la boîte. Il faut en principe l'envoyer au centre de scanning directement à Namur. C'est plus comme avant, hein. On ne peut plus aller la mettre dans la boîte. Ah non ? L'administration fiscale. Ah ouais. En principe, non. Maintenant, on vous aide. Si vraiment vous la mettez dans la boîte, on vous aide et on l'enverra nous-mêmes. Mais en général, maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'on l'envoie directement à Namur au centre de scanning. Pour le format électronique, on a un petit peu plus de temps, là. Format électronique, pour les contribuables qui le rentrent eux-mêmes, c'est jusqu'au 13 juillet. Voilà, donc via TaxonWeb. Via TaxonWeb. Et si jamais vous avez un comptable, vous avez encore jusqu'au 27 octobre. Voilà, donc on rappelle, 30 juin pour le format papier, 13 juillet pour le format électronique et le 27 octobre si vous faites appel à un comptable. Dernière question. Et là, ils sont aussi très nombreux. Il y en a qui n'ont toujours pas reçu leur fameuse belle grosse enveloppe marron sac à doigts. Oui, alors en principe, s'ils ne l'ont pas reçu, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû préciser qu'ils voulaient ne plus la recevoir. Parce que pour l'avoir, en principe, il faut la demander. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours la responsabilité de rentrer leur déclaration dans les délais. Ça veut dire que si même ils n'ont pas leur déclaration, ils doivent se rendre de toute urgence, soit dans leur bureau de taxation, soit la remplir eux-mêmes par TaxonWeb avant le 13 juillet. Et dans le genre de ceux qui n'ont pas reçu, leur avertissement extrait drôle encore pour l'année dernière. Alors, c'est possible, hein ? Oui, c'est possible, mais c'est quand même relativement rare, parce qu'en fait, ça doit être enrôlé pour le 30 juin. Ouais. C'est la date limite. Donc c'est possible, parce que les tout derniers ont été enrôlés il y a une semaine. Ouais. Donc c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas encore reçu. Oui. Et que là, si c'est pas enrôlé pour le 30 juin, on récupère la totalité de l'impôt ? c'est une excellente question. Disons que si votre déclaration est rentrée tout à fait correctement, qu'il n'y a aucune erreur, qu'il n'y a pas de modification, pas de rectification à faire, absolument aucune, effectivement, on doit enrôler pour le 30 juin. Et si jamais on avait oublié, mais je vous rassure, ça arrive très rarement, on a des ordinateurs qui nous le rappellent, mais si jamais ça devait arriver, effectivement, la sanction, c'est qu'effectivement, on pourrait récupérer le précompte. Enfin, la sanction, c'est pour vous, la sanction. Exactement, c'est pour nous, mais c'est pour vous aussi. C'est pour vous aussi, parce que vous êtes un citoyen comme tout le monde aussi. Donc c'est pour vous aussi. Tu payes, mais on t'envoie un bic. Administration fiscale, c'est bien aussi. Les questions, on y répond

toutes les questions que vous poserez, on ne balancera pas vos noms, non. On ne balancera rien. Non, non par non. contre, on les revendra à Nicolas Hamon juste après l'émission. S'il trouve sa louche, effectivement. Bon, alors, j'ai Michel M qui me dit « Mon ex-compagnon a déménagé en février 2016, nous étions juste cohabitants. Dois-je envoyer une copie du changement d'adresse ? Et de plus, je suis en médiation de dette. Dois-je envoyer une copie du jugement ? D'avance, merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter. » Ah ben on commence par une question qui n'est pas trop fiscale. Non, mais qui est pratique. Qui est pratique, effectivement. Sur le changement d'adresse, c'est à son ex-compagnon de faire son changement d'adresse, donc elle n'a absolument rien à faire à ce niveau-là. D'accord. Et sur la médiation de dette, elle ne doit rien nous envoyer non plus. Maintenant, sur l'imposition, tout dépend aussi de savoir si c'est cohabitant ou cohabitant légal. Si on est simplement cohabitant, donc on vit ensemble finalement, on est colocataire, on est toujours imposé en tant que célibataire. Que célibataire, ouais. Si maintenant on est cohabitant légaux, qu'on a signé à la commune un document, en principe on est imposé en commun, sauf évidemment pour l'année de la fin de la cohabitation légale. Et donc ici, si c'était le cas, vu que son compagnon a déménagé en février 2016, elle serait toujours imposée en tant Exactement, que cohabitant pour légal. L'exercice 2016. Oui. Ça veut dire qu'elle doit remplir la déclaration avec son ex-compagnon, même si ça se passe mal ? Oui, tout à fait. Donc si... Bon, en fait, ce qui se passe dans ce cas-là, quand il y a une séparation, en principe, les deux doivent recevoir une déclaration. Donc, si ça se passe mal, chacun remplit sa partie. On s'occupe de marier les deux ensemble. Ou les remarier. De les remarier, si vous voulez. Ou de les recohabiter, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais. Sur papier, en tout cas, vous allez cohabiter sur papier, sur la déclaration. Voilà, voilà, voilà. Sinon, s'ils s'entendent bien, ils peuvent la remplir ensemble. Mais il faut bien qu'elle ait signé un contrat de cohabitation légale. De cohabitation, légale. Voilà. Autre question, Frédéric. Voilà, alors, je vais en vélo au travail, ou à vélo d'ailleurs, c'est Véronique qui nous dit ça. Est-ce que je peux déduire ces frais kilométriques ? J'ai entendu dire que c'était même plus rentable que la déduction de l'auto. Alors oui, effectivement, sur le plan des principes, le montant est plus important, c'est-à-dire qu'au lieu de 0,15 euros du kilomètre, c'est 0,22 euros du kilomètre. Donc on déduit plus le vélo que la voiture alors que ça coûte rien. C'est un comble, mais c'est pour inciter évidemment le Alors déplacement non seulement on déduit light. Plus, mais si en plus on bénéficie d'indemnités qui sont versées par l'employeur, on n'est pas taxé dessus. Maintenant, je rappelle quand même qu'en matière de frais professionnels, c'est très bien de dire on déduit 0,22 euros du kilomètre, mais il faut quand même dépasser le forfait en matière de frais professionnels, puisque chaque contribuable qui a des rémunérations, salarié, a un forfait en matière de frais. Et moi, je vais à Namur tous les jours à vélo. Je pars de Bruxelles. Ça marche ou quoi ? À mon avis, ça doit marcher si vous pouvez prouver que vous l'avez fait. Mais comment on prouve qu'on va à vélo au travail ? Alors, c'est comme tout. Il y a toujours des éléments de fait. En général, par exemple, quand on demande une indemnité par l'employeur, qui est versée par l'employeur, on peut donner ce document-là de demande d'indemnité vis-à-vis de l'employeur. Sinon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de démontrer qu'effectivement on sera en vélo. C'est une très bonne idée. Oui. Il y a des gens qui font 40 km à vélo, vraiment. Il y a effectivement des personnes qui font 40 km avec 80 km. Oui. Ce n'est pas forcément évident à démontrer. Effectivement. Alors, à partir de quel moment c'est intéressant de faire. Effectivement, des personnes qui font 40 km avec 80 km. Oui. Ce n'est pas forcément évident à démontrer. Effectivement. Alors, à partir de quel moment c'est intéressant de faire. Domicile, lieu de travail, c'est à peu près le montant, le nombre de kilomètres minimum. Effectivement, il faut au moins 40 km. Maintenant, il y a d'autres frais. Il y a d'autres frais qui sont déductibles que simplement les frais de déplacement domicile, lieu de travail. Oui, c'est un peu la base. Si on n'a que ça, effectivement, si on est en dessous de 40 km ou 50 km, c'est un peu compliqué de revendiquer des déductions. Le montant actuel maximum en matière de frais forfaitaires, pour cet exercice d'imposition-là, c'est 4 090 €. Ça, c'est le forfait qu'on offre, que vous offrez. Alors, ce n'est pas 4 090 € parce qu'en fait, il est progressif en fonction de ses revenus, c'est un plafond. Donc vous avez un montant qui est dégressif, on a un premier taux important qui est à peu près super 30% simple. Et puis qui diminue, oui c'est pas très simple effectivement. On a encore 4 taux différents à l'heure actuelle pour l'exercice 2016. Quelle horreur, mais on retient donc pour les frais réels 40-50 km en voiture. En voiture ou à vélo, oui c'est le même principe puisque D'accord. la déduction est supérieure. D'accord. Donc à la limite il faut peut-être faire un peu moins de kilomètres en vélo. 30 à vélo, 40 en voiture. À peu près, oui. Encore une question Xavier. Alors, dans le cadre d'un rachat de crédit, j'ai Denis Charlier qui nous dit « Pour les personnes qui ont fait un rachat de crédit hypothécaire l'année passée, le simulateur n'est toujours pas capable de prendre en compte ces nouveaux codes. Il va commencer à être temps pour le SPF de régler le souci. » Alors, la plupart des codes, effectivement, maintenant, la machine les prend en charge. Maintenant, quand on parle de nouveaux codes pour un rachat de prêt hypothécaire, en principe, ce n'est pas des nouveaux codes, parce qu'en matière de prêt hypothécaire, les règles sont toujours les règles de l'ancien prêt hypothécaire. Donc, si on a conclu un prêt en 2000 et qu'on a simplement refinancé ce prêt de 2000, ça reste les mêmes règles qu'à la base. D'accord.

Avec mention sur Vivacité, cette femme est un héros. Direction Centre Perex, Jean-Marc Strel, comment ça se passe sur nos routes? Nous avons les suites d'un accident impliquant plusieurs camions sur la N5 Charleroi-Couvin, hauteur de Tarsienne, avec toujours forcément des ralentissements en direction de Couvin. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, la circulation extérieure est toujours ralentie entre Waterloo et Oulart vers Zaventem. Pour la circulation intérieure, entre Bercy-les-Forêts dans la zone des travaux vers Grand Bigard, entre Strombeek-Bever et Macallan vers Zaventem, et entre Wezenbeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Le 411 est encore chargé venant de Namur pour rejoindre Bruxelles à partir de Jesus Eik. Ça va mieux quand on arrive à Léonard. En ce qui concerne les chantiers, il y en a beaucoup. Alors le 10 Courtrelis, la Requem, ça coince, vous perdez 15 minutes en direction de Lille. Le 403 Bruges Tournai, il défile à Torhout sur 10 km en direction de Tournai, aussi quelques ralentissements. Et puis sur le 429 Al Tournai, le chantier est à hauteur de Quin. Ça coince non pas vers Al mais vers Lille, avec notamment des répercussions sur le 403 venant de Bruges depuis Templeuve sur 4 km. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h30, place au journal de la Conso, Émilie. La Belgique est en quart de finale de l'Euro. Quoi? Comment? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ça réjouit les Belges, certes, mais aussi les grandes surfaces, comme Carrefour, qui avec Panini, qui explose complètement les records de vente. 320 000 albums de... Comme Carrefour, qui avec Panini, qui explose complètement les records de vente. 320 000 albums de autocollants déjà écoulés aujourd'hui. Oui, mais ça va peut-être être encore plus dans les prochains jours. Hein. C'est énorme. Alors, lancé il y a 2 ans à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil, le premier album Panini de Carrefour a été d'office un succès, on s'en souvient, au point que le distributeur avait été quasiment obligé par ses clients d'éditer un album l'an dernier, alors qu'il n'y avait aucune compétition majeure qui ne se disputait à ce moment-là. Il était donc logique que pour 7 euros, en plus la Belgique avec les beaux résultats qu'elle fait, vont avec Panini et Carrefour, ils vont réaliser des records au niveau des ventes. Alors si aujourd'hui pas moins de 320 000 albums et 216 millions d'autocollants, il y a 2 ans, on n'était que à 40 millions de pochettes. D'accord. C'est quand même énorme. C'est énorme. Business juteux également pour les équipementiers. Oui, alors les ventes de maillots devraient atteindre des sommets également cette année, après avoir déjà battu des records il y a 2 ans pour la Coupe du Monde. Il y avait 100 000 exemplaires découlés pour la Coupe du Monde, alors qu'en 2010, seulement 4 000 vareuses se vendaient par an. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le ratio. Oui. Alors, du côté de l'Union Belge, on ne communique évidemment pas les chiffres officiels. Adidas, qui est l'un des équipementiers les plus reconnus, surtout au niveau Belgique, reste aussi très discret. Alors, par contre, il faut savoir que 57% des maillots vendus sont floqués au nom des joueurs. Je vous fais le top 5. Vous avez Kevin De Bruyne, qui est sur la première marche. Bon anniversaire. Je m'en parle les couilles, voilà. Ça c'est le plus important. Ouais, super. Merci Kev. Suivi d'Eden Hazard. En plus, ensuite, il y a Dries Mertens, Vincent Kompany. Alors, c'est étonnant, puisqu'en plus, il ne joue pas cette année à l'Euro. C'est le capitaine, hein, historique. Historique, voilà, c'est pour ça. Oui, mais il ne joue pas quand même. Et la majorité des maillots floqués au nom de Vincent Kompany ont été vendus avant l'annonce de son forfait. Ouais, c'est ça. Et sur la 5e marche du podium, on retrouve Axel Witsel. Oui, dire aussi que le maillot est désormais vendu en France et dans les pays étrangers, ce qui est vraiment nouveau. La Belgique n'avait aucune personne internationale. Et pas acheter le maillot des Suisses, hein, il se déchire trop facilement. Ah, c'est pas bien. Dire aussi que le maillot, il coûte cher. À fond. Alors les prix sont très variables, hein, 85 euros dans les magasins spécialisés, 51 euros dans les grandes surfaces genre magasin de sport. Bon, toujours des chiffres impressionnants concernant cet euro. Oui, alors plus de 12 500 000 abonnés sur le compte Twitter des Diables, plus de 15 millions sur Instagram. 84, c'est le nombre de tirs sur les 4 rencontres. 78 pour les Allemands, 74 pour le Portugal. 10 000, c'est le nombre de compiles. Allez les Diables, avec la complicité de Vivacité qui ont été vendus. 417, c'est le nombre de kilomètres parcourus sur le terrain depuis le début de la compète par l'équipe belge, bien entendu. Et alors ça, c'est extraordinaire. 328 millions. Oui. C'est la valeur des 11 Diables qui ont commencé le match dimanche. Leur valeur alors, sur le papier. Hein. Sur le papier, oui, bien sûr. Alors, ça vaut donc 65 millions pour Eden, 60 millions pour le Kev, 40 millions pour Romelo, 30 millions pour Thibaut, Enzo Voort. Bien sûr. Et on termine avec ce chiffre extraordinaire qui concerne Yannick Carrasco. 32,3 km/h, c'est sa vitesse de pointe sur le terrain qui a été calculée. Mais 328 millions, la valeur des 11 joueurs. Ce qui fait dire à certains que c'est un sport

ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Ce point au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais où va, passe, va, passe, va. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir. Je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. La beauté du geste, et il se casse le jour de ses fiançailles. La beauté du geste, c'est le nom de l'album de Gérald de Palmas. On n'est pas des pigeons. Nicolas Onon est avec nous en studio, conseiller général auprès de l'administration fiscale, mon nouveau meilleur ami depuis maintenant trois quarts d'heure. Non, c'est le mien, c'est le mien. Oh, bon, on va se battre. Des questions qui arrivent sur la page Facebook et sur le SMS. Oui, au 3063 pour 50 centimes, le message, vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions, vos messages, comme Marc qui nous dit « Bonjour, je suis divorcée, les enfants à l'époque étaient à la charge de mon épouse et à ce moment-là, je déclarais les secours alimentaires. Maintenant, sa femme est décédée en avril 2015. Il vous demande bah, que doit-il faire ?» Il nous demande de lui répondre gentiment à ses questions. J'imagine qu'il y a un problème, enfin pas un problème, mais un changement au niveau des, des charges et des pensions alimentaires. Oui. Alors sur les pensions alimentaires, pour la période durant laquelle il les a payées, il peut revendiquer la déduction. Mm-hmm. Donc c'est code 1390 de la déclaration. À partir du moment où les enfants sont ensuite à sa charge, ce que je suppose compte tenu de la question, ça veut dire qu'ils vivent chez lui au 1er janvier 2016, ça veut dire qu'il peut également les reprendre à charge. Mm-hmm. Donc il peut également mentionner le nombre d'enfants effectivement qui vivent chez lui et qui sont à sa charge. Alors, bon, on va rester dans les frais de garde, justement. Il y a Val qui nous demande « J'aimerais savoir s'il est possible de déduire en même temps un enfant à charge et les frais de garde, où on ne peut déduire qu'un seul des deux, et lequel est le plus intéressant ?» Alors, d'abord, pour bénéficier de la déduction des frais de garde, il faut avoir des enfants à charge. Donc déjà, c'est une condition de départ pour revendiquer les frais de garde. Ensuite, il y a deux choses au niveau des enfants à charge. Il y a une condition relative à l'âge, donc ils doivent avoir moins de 12 ans. Oui. Et donc, si on paye des frais de garde à des enfants pour des enfants de moins de 12 ans, on peut revendiquer une déduction fiscale à concurrence de 11,20 € par jour au maximum. Oui. Si maintenant, on ne paye pas de frais de garde et que les enfants ont moins de 3 ans, là, on peut, au 1er janvier, l'exercice d'imposition, donc au 1er janvier 2016, là, on peut également bénéficier éventuellement d'un avantage fiscal forfaitaire de 560 €, en plus des quotités exemptées d'impôts pour lesquelles tout le monde, dont tout le monde bénéficie. C'est ça, mais on ne peut pas réclamer les deux en même temps, c'est 560 € plus des frais de garde. Ça, on ne peut pas. Mais par contre, la charge fiscale plus les frais de garde, ça, on peut effectivement, bien entendu, oui. Si on reste dans la thématique des allocations familiales, des parents divorcés, etc., il y a Dorio qui nous dit qu'il donne 175 € d'allocations familiales à la maman de sa fille. Est-ce qu'il doit les déclarer ? Il donne 175 € d'allocations familiales. Je ne comprends pas bien la question. C'est plutôt pension. Si ce sont des allocations familiales, sur le plan des principes, ce n'est pas taxé. Si c'est des rentes alimentaires, en principe, c'est taxable dans le chef des enfants, parce que je rappelle que c'est quand même des revenus des enfants. Donc les parents ne déclarent pas les rentes alimentaires, ce sont les enfants. Donc dans les faits, quand les enfants sont jeunes, on ne déclarera pas, parce que les montants sont généralement trop faibles que pour être imposables. Mais ce sont bien les enfants qui sont bénéficiaires des rentes alimentaires. D'accord. Autre question, Frédéric ? Absolument. Alors, c'est Alexis de Grand Alais. Grand Alais, c'est à côté de Petit Alais, comme chacun sait. C'est près de Hanu. C'est pas loin de moi. Et de Alais. Non, c'est à côté de Hanu. Je suis prof, dit Alexis, mais il fait aussi des conférences sur ses voyages qu'il fait à travers le monde. Il gagne un peu d'argent grâce à ça. Est-ce qu'il peut les déclarer en revenus divers ? Et c'est quoi ces revenus divers ? Il a entendu dire que c'était moins taxé que les revenus professionnels classiques. Alors, effectivement, les revenus divers sont moins taxés que des revenus classiques, mais l'activité doit rester tout à fait occasionnelle, c'est-à-dire une fois de temps en temps. C'est bien le cas ici. C'est bien le cas ici. Il faut voir l'ampleur. Comme moi, j'entends bien, mais il faudrait que je voie l'ampleur. Donc, quoi, s'il fait 6 conférences par an, par exemple, c'est occasionnel ou pas ? Ça devient, 6-7 conférences, ça devient professionnel. Hein, c'est tous les 2 mois. Ça devient professionnel, ça devient une activité professionnelle. Alors, c'est taxé à 30 Alors, au lieu de... Le professionnel est taxé au taux global, au taux marginal, ouais, avec cotisation sociale, avec des conséquences pour un indépendant. Le revenu divers, donc vraiment le cas... Je fais, je sais pas moi, je vais prendre un exemple. Je suis fiscaliste, je donne des conférences en matière fiscale, en plus, régulière, c'est un revenu professionnel. Si maintenant, une fois par an, je donne, je sais pas moi, une conférence sur la complainte du phoque en Alaska, parce que je suis spécialiste en la matière... C'est vrai. Ah oui, je suis spécialiste en la matière. C'est quand la date. Est-ce que ça vaut la peine de faire tourner des ballons sur son nez. Ah oui, sur son nez, oui. Tout à fait. Complètement. Non, c'est ça, c'est une fois, deux fois par an, grand maximum. Exactement, ça doit rester de temps en temps. Et là, on est taxé à 33%, et puis surtout, on ne paye pas de cotisation sociale, parce que ça, le revenu n'est pas professionnel. La grande différence, c'est qu'un revenu divers n'est par définition pas professionnel. Et donc forcément, s'il n'est pas professionnel, on ne paye pas de cotisation sociale. Oui, c'est important de dire que ça ne doit avoir aucun lien avec le revenu professionnel principal. Donc ici, les conférences sur le phoque en Alaska... Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment, il y a la notion de régularité qui doit jouer. Donc 6, 7, 8 fois par an, effectivement, ça devient professionnel. Maintenant, ça veut dire aussi que ce monsieur peut revendiquer la déduction des frais qu'il expose aussi. Hein. Mm-hmm. Si on est à partir de revenus professionnels... Il y a des frais. Il y a des frais professionnels. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le SMS 3063, 50 centimes le message. Il y a la page Facebook. La page Facebook. Des questions qui concernent ben, la fiscalité, on l'a compris, ou alors le colonne du faucon en Alaska. on prend tout. Soutenir les Belges à la piscine. Allez, Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez, Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. S'il y a un modèle Citroën pour chaque tempérament, il n'y a que Citropole pour vous offrir un service VIP. Nos équipes d'experts sont à votre service et vous garantissent l'excellence des conseils ventes au suivi de votre véhicule. Citropole, la référence Citroën en province de Liège, à Liège, Herstal, Eupen et Malmedy. Citroën. Citropole.be. Ce vendredi 1er juillet pour les soldes, Cora Recours est ouvert dès 7h du matin. Ce vendredi encore, Nocturne dans l'Hyper et la Galerie jusqu'à 22h. Et ce vendredi toujours, profitez de coupons de réduction exceptionnels distribués dans l'Hyper de 7h à 8h30 et de 19h à 21h30. Et dimanche, ouverture des boutiques de la Galerie de 11 à 19h. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. When you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? Shadow sur Vivacité, Howling at the Moon. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Et surtout, on répond à vos questions en matière de fiscalité, puisqu'on a un spécialiste en plateau. On va le garder. Oui, et on là, va y en profiter. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions par rapport au passage aux frontières, Émilie. On mais peut oui, ça comme ça. Oui, oui, via le 3063, pas mal de SMS concernant les. Alors, accrochez-vous. Oui, Nicolas. Donc, ouais, ceux qui partent, qui habitent en Belgique, mais qui vont travailler de l'autre côté de la frontière. Et inversement, comment faut faire? Ah, comment faut faire? D'abord, quand on habite en Belgique, on est résident en Belgique, on doit déclarer tous ses revenus. Qu'il soit. Faut faire. Ah, comment faut faire? D'abord, quand on habite en Belgique, on est résident en Belgique, ou studio en fait. À partir du moment où c'est visé par le code, on est imposable en Belgique. Après, sur le traitement fiscal, c'est un petit peu compliqué. Alors, si on part d'un cas relativement simple et courant, un Belge qui va travailler effectivement au Luxembourg, il va payer peut-être des impôts au Luxembourg parce que physiquement, il est présent physiquement au Luxembourg. Il exerce physiquement son travail au Luxembourg. Donc, il va payer un impôt au Luxembourg, mais ça ne dispense pas de déclarer ses revenus en Belgique. Et donc, il doit déclarer le revenu en Belgique après déduction de son impôt qu'il a payé au Luxembourg. Et il doit bien préciser dans sa déclaration que c'est un revenu d'origine étrangère, donc il provient du Luxembourg. Il est taxé au Luxembourg, il ne sera pas taxé deux fois. Il n'y a pas de double imposition. Il n'y a pas de double imposition sur le plan juridique, effectivement, mais il pourrait y avoir des... Alors, je vais utiliser un terme particulier, il pourrait y avoir une double imposition économique, dans le sens où ces revenus-là sont exonérés, c'est assez technique, ils sont exonérés, mais sous réserve de progressivité. Ça veut dire que si cette personne a d'autres revenus, des revenus belges qui sont taxables en Belgique, par exemple des revenus immobiliers belges, ils vont aller se cumuler avec ces revenus immobiliers, mais la réduction d'impôt ne sera pas au taux progressif, elle se fera un taux un peu inférieur. Donc ça aura une incidence, mais une incidence indirecte, une incidence économique. On payera de l'impôt, mais juridiquement, le revenu n'est pas taxé deux fois, parce qu'on l'aura exonéré. D'accord. Voilà. Okay. Alors, question. Ouais, on va rester un petit peu dans cette thématique de frontières, pas frontières, tout ça. Si par exemple on a plein de sous et qu'on veut investir, on a notre maison, notre logement, notre toit et on voudrait acheter une maison à la mer ou dans les Ardennes pour passer les vacances. Là aussi, ça se passe comment au niveau de l'imposition? Alors au niveau de l'imposition, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que... seconde résidence. Une seconde résidence en Belgique, d'abord tous les revenus en Belgique sont soumis au précompte immobilier. Donc ça c'est un impôt que tout le monde doit payer, tout le monde paye. Ma grand-mère disait le cadastre. Hein, mais c'est pas le cadastre, c'est le précompte immobilier qu'on paye effectivement. Et en plus de ça, quand c'est une seconde résidence, on doit également la déclarer à l'impôt des personnes physiques en fonction du type de location ou d'usage qu'il est fait de l'habitation. Mmh. Parce que si c'est une seconde habitation ou que c'est une location à des privés, on va déclarer ça au code 1106 de la déclaration et on va se baser sur le revenu cadastral. Le revenu cadastral qui va être indexé, enfin en gros c'est à peu près deux fois le revenu cadastral net qui va rentrer dans la base imposable, c'est imposé une deuxième fois. Donc c'est soumis une première fois au précompte immobilier et on doit le déclarer à l'impôt des personnes physiques une deuxième fois. Maintenant dans les faits on n'est pas souvent imposé deux fois parce que souvent on va pouvoir déduire aussi des intérêts du prêt. Mmh. Et donc si on a emprunté pour acheter une habitation secondaire, les intérêts du prêt on va pouvoir revendiquer la déduction. Et quand cette petite charmante maisonnette se trouve dans le sud de la France. Le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on doit déclarer, une valeur locative. Alors en France, effectivement, il y a une valeur locative qui sert de base à payer les taxes foncières, les taxes d'habitation en France. Vous allez déclarer cette valeur locative, vous allez déduire les impôts payés, la taxe d'habitation, la taxe foncière, vous allez déclarer ce montant-là. Et ce montant-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, va être exonéré sous réserve de progressivité. Et de nouveau, si vous avez un emprunt hypothécaire, même si vous l'avez contracté en France, parce que vous êtes tout à fait aujourd'hui à l'ère de l'Europe, on peut effectivement emprunter en France, vous pouvez revendiquer des avantages fiscaux pour les emprunts contractés en France aussi. Et si on a une maison dans le sud de la France et qu'on se tait, qu'on ne dit rien? Mais l'information est communiquée, on a une directive de 2011 qui organise l'échange de renseignements dans les pays de l'Union européenne, et c'est un échange de renseignements qui est organisé au niveau des rémunérations, au niveau des pensions, au niveau des revenus immobiliers, donc on obtient ces informations-là maintenant de manière tout à fait récurrente et régulière. Et si on dit rien, ça peut coûter cher. Vous pouvez être effectivement pénalisé, oui, tout à fait. Et l'échange de renseignements fonctionne mieux visiblement en matière fiscale que dans d'autres domaines. Ça débute, hein. ça débute. Autre question. Mélissa qui nous pose une question très très pratique. Mon copain est français, mais il paye ses impôts en Belgique car il est travailleur belge. Tout le monde a reçu sa feuille d'impôt, sauf lui. Est-ce que c'est normal? Et que doit-il faire pour l'avoir? Je pense qu'il est temps de s'en préoccuper. Ah bah oui, s'il est résident belge, si son copain est résident belge, parce que la nationalité n'a aucune importance, on ne l'a pas dit, mais le fait d'être français ou chinois, si vous résidez en Belgique, vous êtes assujetti à l'impôt des personnes physiques. S'il a pas reçu, il faut qu'il s'en tracasse et qu'il aille à son contrôle et qu'il essaye de remplir la déclaration soit de papier, soit qu'il aille sur Internet. Parce que Il peut le faire avec une carte d'identité française. Ah non, il faut qu'il ait un numéro national. Ah. Donc s'il a une carte d'identité française, il ne pourra pas. Donc il doit courir avant jeudi remplir sa déclaration fiscale. Absolument. Courage. Une dernière question, Frédéric. Audrey de Genappe qui dit « Je suis employé de banque, j'achète des journaux, notamment l'Écho. Puis-je déduire cela dans mes frais professionnels ?» C'est une très bonne question. Le souci dans ce genre de choses-là, c'est qu'on ne discute pas le caractère professionnel pour ce type de d'achat-là s'il y a un lien qui est démontré avec l'exercice d'une activité professionnelle. Donc quelqu'un qui est banquier, je ne suis pas du tout choqué qu'effectivement un abonnement à l'Écho puisse être... Et le soir et l'avenir. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Ou la Meuse, effectivement. Site presse spécialisé dans tout ce qui est boursier. Dans les bourses. Oui. Enfin, c'est plus difficile à démontrer. En tout cas, on sera plus réticent. Maintenant, c'est comme dans tout, il ne faut pas exagérer. Et puis surtout, il y a une partie qui est incontestablement privée aussi. Donc, il faudra pondérer 50-50. Il faudra pondérer en fonction d'une réalité qui est difficile à démontrer. Tout à fait. Donc voilà. Ça se discute. Ça se discute. Oui, c'est des éléments de fait qu'on discute effectivement lors de contrôles fiscaux. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant qu'il faut les poser sur la page Facebook, mais aussi via le SMS. Bientôt les infos de midi. En attendant, c'est Guillaume Grand qui arrive dans la radio avec toi et moi. Donc ça, c'est conjoint. Ça, c'est conjoint. Déclaration commune. Donc, je vais la faire en même temps. Déclaration commune. Obligé, sinon des ennuis. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns. Rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein. Du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer. Voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr, tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du caché, ici on vit d'années, ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Vous avez des questions sur votre déclaration fiscale? On a un spécialiste avec nous, oui. Et on parlera encore avec lui. On répondra aux questions dans l'heure suivante après le journal de Natacha Sragi. Viva. vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Big Mac Cataldo, tout pour la maison. Grande opération déstockage chez Big Mac Cataldo. Les blocs portes à prix d'usine. Des centaines de mètres carrés de parquet en promo. La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30%. Prix aussi sur les bardages, bois de terrasse, dalles de jardin et meubles de salle de bain. Big Mac Cataldo, 16 rue Prébinet, à Liège, à 20 mètres du boulevard Poincaré. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Vous écoutez Vivacité, il est midi. C'est Natacha Stragier pour l'info. Bonjour Natacha. Bonjour, bonjour. Le président de la Commission européenne a appelé le gouvernement britannique à clarifier aussi rapidement que possible sa situation après la victoire des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum. Expression « il y a eu conséquence, il doit y avoir », a indiqué Jean-Claude Juncker lors d'une session plénière extraordinaire du Parlement européen à Bruxelles. De son côté, la chancelière allemande se veut aussi très claire. Londres ne pourra pas choisir à la carte ce qu'elle veut de l'Union européenne. C'est ce qu'a dit ce matin Angela Merkel devant son Parlement à Berlin. Chez nous, environ 1300 raccordements sont privés d'eau potable à René, en Flandre orientale, en cause d'une contamination bactériologique. L'eau ne peut pas être utilisée pour boire ou cuisiner. De l'eau potable sera distribuée jusqu'à ce soir 21h. L'Atomium est à nouveau accessible depuis 10h ce matin. Il était fermé depuis les gros orages de jeudi soir. De l'eau s'était infiltrée dans les caves et avait endommagé l'installation électrique. La cabine endommagée n'est pas encore totalement réparée, mais un groupe électrogène a été installé pour assurer l'apport en électricité. Geoffroy Fabré a interrogé Johan Van de Perse, c'est le directeur technique de l'Atomium. Depuis jeudi, nous sommes fermés à cause de l'inondation qu'on a eue. Donc, il y a énormément beaucoup de pluie qui est tombée et tout est rentré dans la cave. Tout notre système électrique était vraiment tout était hors. Donc, il n'y avait plus de système. La cabine haute tension, la basse tension, le système de chauffage, les conditionnés, tout le concentré. En fait, tout le système électrique était out. Comment ça se fait qu'il a fallu 4 jours pour tout réparer? Parce qu'il y avait quand même 1 mètre d'eau dans la cave et comme tout le système électrique se trouve dans la cave, et donc ils ont tout appris l'eau. Donc tout était cassé. Comme vous pouvez voir, on a mis un regroupe extérieur sur un camion pour alimenter tout ce qui était l'Atomium sans la cabine. Est-ce que quelque chose comme ça, vous l'aviez déjà vu dans votre carrière? Ben, j'ai déjà vu beaucoup de choses à l'Atomium, mais en mes 30 ans, presque, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. En sport, Eden Hazard et Thomas Vermaelen n'ont pas pris part à l'entraînement collectif des Diables Rouges ce matin près de Bordeaux. Le capitaine des Diables et le défenseur central qui sera suspendu contre le Pays de Galles sont restés à l'hôtel pour y subir des soins. On ne sait pas encore de quoi souffre le numéro 10. En tennis, Wimbledon continue. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alison Van Uytvanck de monter sur le court. Hier, 2 Belges sur 4 sont passés au deuxième tour, Goffin et Flipkens, alors que Bemelmans et Wickmeyer ont été éliminés. Alison Van Uytvanck, elle, est de retour sur le terrain après 3 mois de galère, après une blessure au pied qui lui a notamment fait manquer Roland-Garros, un tournoi où elle avait pourtant atteint les quarts de finale l'année dernière. Christine Anquet l'a rencontrée. J'ai pas joué les matchs pour 3 mois et au début c'est dur, mais je pense que mon niveau c'est vraiment pas très mal, donc j'ai jamais cru, tu vois, après 3 mois de jouer comme ça maintenant déjà. En fait, je sens bien la balle, mais finir un match, c'est ça que j'ai raté un peu de 3 mois et voilà, c'est ça le plus difficile pour moi. Retrouver un grand chelem après avoir loupé Roland-Garros, qu'est-ce que ça fait? C'est chouette, tu vois, j'ai raté Roland-Garros. Ça, c'était vraiment difficile pour moi, le moment. Ouais, je suis vraiment contente d'être ici et ouais, c'est ça que j'ai manqué beaucoup, le tennis. Et en fait, le jeu, tu vois, les matchs et tout ça, le tour. Et là, j'étais trop loin à la maison, donc c'était un peu long. Jean-Marc, toujours des problèmes sur la Nationale 5. Oui, Natacha, plusieurs camions impliqués dans un accident. N5 Charleroi-Couvin, c'est à hauteur de Tarsienne, kilomètre 61. Passage via des voies rétrécies à contresens, donc forcément ça coince en direction de Couvin. Tout ça va durer un bon moment, donc à éviter si possible. Le ring est pratiquement fluide, l'extérieur pas de soucis, l'intérieur quelques ralentissements autour des travaux entre Bercé et les forêts en direction de Grand-Bigard. Le 411 venant de Namur entre Jésus-Eyck et Léonard est toujours toujours assez chargé pour rejoindre Bruxelles. Sur le 17 Courtrai-Lille à Rekem, il y a des files dans un chantier entre Albeek et Rekem sur 5 km en direction de la France. Sur le 403 aussi, même histoire. Bruges-Tournai avec des files à Torhout sur 10 km en direction de Tournai. Et puis quelques ralentissements aussi observés avec une évolution à l'instant signalée sur le 429 à Tournai. Le chantier est entre Quin et La Main. Vers Al, c'est fluide, mais vers Lille, il y a des ralentissements et notamment des répercussions importantes sur le 403 venant de Bruges depuis Templeuve sur 4 km. Vous perdez une demi-heure de temps qu'un véhicule est en panne apparemment. Donc ça coince en direction de Tournai. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on continue à remplir les petites cases avec vous, Sébastien. Ouais, Natacha, on va goûter du fromage aussi. On fait tout dans cette émission. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec les impôts? Rien. Mais c'est juste pour essayer de soudoyer notre invité pour avoir des bons plans et des bons trucs. Allez, à tout à l'heure. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Notre expert fiscal Nicolas Aumont est toujours là. Prêt pour répondre à une deuxième heure de questions. Ah oui, ça sent bon en plus. Deuxième heure, ça sent délicieusement bon. Oui, parce qu'on va goûter, parce qu'il y a tout dans cette émission, je le disais. On va goûter du fromage aussi, affiné dans les grottes de Hotton. Dis donc. Et avantage en nature, les gars, on va manger gratos. Est-ce qu'il faut déclarer ça? J'en sais rien. On remettra le ticket. On n'en fera pas un fromage en tout cas. Non, c'est sûr. Si vous avez des questions. Les questions, vous les posez, Émilie? Oui, vous nous les posez par SMS si vous le souhaitez. Pour 50 centimes le message, ça se passe à ce numéro, c'est le 3063. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission ou encore nous envoyer un email pigeon@rtbf.be. Et à tout ça, vous rajoutez de la musique, évidemment. Bah ouais, comme chaque année, one more time. Oui, mais là, il est temps, hein. Plus que deux jours hein, pour la déclaration papier. Jusqu'au 13 juillet pour TaxonWeb. TaxonWeb et pour les indépendants via comptable. Le 27 octobre. Ah, elle sait tout, elle a bien retenu sa leçon. Ça, c'est les Daft Punk côté musique. Il y aura aussi Jean-Louis Aubert. On part en vacances. C'est fini. Sur les plages. C'est ici. C'est ici. Vous passez à table? Bon appétit. Si c'est le cas, on est ensemble encore avec On n'est pas des pigeons et toute la petite bande jusqu'à 13h. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras. Maître Gims et Sia avec Je te pardonne. Vivacité, on n'est pas des pigeons. On est toujours au taquet sur la déclaration fiscale. On attend vos questions. On en a déjà pas mal sur Facebook. Mais j'ai mis des miettes dessus. Et sur SMS, Nicolas On est là. Il est prêt aussi à y répondre. Mais là, on fait une pause. Oui. On fait une pause. Une petite pause fromage. Marie-Ève Kiné est avec nous autour de la table. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter des fromages qui sont un fromage, en tout cas. On parle de la fromagerie des Tourelles et le fromage, le Grand Murin. Particularité, il est affiné dans les grottes de Hautton. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça change, j'ai envie de dire? Alors, ça change beaucoup. Parce que comme il y a un taux d'humidité qui est très élevé, l'atome ne s'assèche pas et le fromage reste beaucoup plus moelleux qu'un autre fromage. Il y a des crottes de chauve-souris aussi? Non, parce que les chauves-souris, elles sont bien élevées. D'accord. Donc, alors, mais il y a plusieurs. Là, vous êtes venu avec un gros plateau de fromage. Un plateau de fromage. Ils ne sont pas tous affinés dans les grottes de Hautton. Non. Ben, tous les fromages n'ont pas besoin d'un très long affinage non plus. Mm-hmm. Donc là, vous avez du bleu qui aurait pu être affiné aussi dans les grottes. Mais le problème, c'est que comme nous, c'est une grotte touristique, et le bleu, ça sent tout de suite un peu plus fort. Et donc, on a dû jongler un petit peu avec... avec la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il y a? N'aime pas. Hein. Non. Mmh. Alors, j'ai un problème. Et madame a dit ça sent très fort. Un jour, je vous raconte l'histoire. Un jour, j'étais petit avec mes parents, s'est promené dans les caves de Roquefort Société. Il était enfermé dedans. Non, mais il y avait un problème. Il y avait un problème avec les visites. Il y avait du retard. Je suis resté dans la grande, dans la grande cave où il y en avait plein pendant plus de 20 minutes, une demi-heure. Et j'ai toujours ce problème avec le bleu. Donc voilà, et c'est vrai que ça sent très fort. Mais je suis un garçon poli. Je l'ai goûté. Oui, c'est vrai. Il est très bon. C'est particulier, mais c'est surtout la tête. Ça va. Il y a d'autres choses que le bleu. On est d'accord. Oui, il y a autre chose. Il y a le Grand Murin. Ah voilà, et c'est lequel celui-là? Alors le Grand Murin, c'est celui avec la belle croûte fleurie. D'accord. C'est celui-ci. Ça, c'est celui-là qui vient des grottes. Voilà. Et donc il est affiné, il reste au moins 4 mois dans la grotte. Ouais. Il vit encore. En dehors du circuit touristique? Non, il est dans le circuit touristique. Donc les touristes, quand ils font la visite, ils passent à côté des fromages. C'est pour ça qu'il nous fallait un fromage qui ne sentait pas trop fort. Ouais. Parce que tout de suite, y en ça a peut un peu gâcher la visite. Il s'appelle l'ail des ours, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est particulièrement bon. C'est pas trop fort, là, par contre. Mais je vous le recommande. J'ai déjà mangé. Oui, c'est ça, Sébastien. A du verre dedans. C'est le roi, hein, c'est l'ail des ours. C'est une plante sauvage qu'on trouve exactement, en Ardennes un peu partout. Exactement, ça pousse à profusion chez nous. Oui. C'est super, ouais, on peut le manger comme ça, d'ailleurs, en le cueillant. Comme ça, on peut faire avec les fleurs, on peut faire du pesto, c'est délicieux. Ouais. Mmh. Alors c'est comique, hein, parce qu'on arrive à la fin de la saison ici, on a fait un petit peu le calcul, on a déjà reçu près de 200 producteurs régionaux, et ça part dans tous les sens. Et ça fait 4 kilos. Ça fait 4 kilos. Ouais, ça va, arrête de me le rappeler. Oui, j'ai pris 4 kilos cette année à cause de tout ce qu'on a goûté. Mais c'est un détail. Grâce. Et donc. Et non, pas grâce. Il y a beaucoup de chocolat, beaucoup de bière et beaucoup de fromage. Une fromagerie de plus, fromagerie des Tourelles. Franchement, c'est assez sympa. C'est inattendu. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Et quels sont vos clients, en fait? Ils viennent d'où? Alors, on vend beaucoup sur les marchés locaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est dépensée en réalisation de nouveaux marchés du terroir et tout ça. Donc, tous les week-ends sont pris. Et alors, le Grand Murin sera à déguster aussi aux grottes à partir de lundi prochain. Donc, il aura ses 4 mois d'affinage. On va le sortir des grottes. C'est tout nouveau, en fait. Oui. C'est une exclusivité RTBF. C'est trop fort. Une exclusivité mondiale, on n'est pas les bichons. Prix au kilo? Alors, ça sera entre 20 et 25 euros du kilo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédécouper des tranches qui seront emballées pour les visiteurs. Et donc, on achète une tranche à déguster avec deux bonnes bières locales. Ça représente à peu près quoi comme poids? C'est 200 grammes. Oui, c'est ça. Ah non, mais honnêtement, et c'est vrai que la grotte, c'est température ambiante toute l'année. Ça, c'est juste... Ouais. Nickel, taux d'humidité, tout ça. Voilà. Et alors là, donc il reste 35 mètres sous terre. Donc là, on est sûr qu'il n'y a aucune mouche qui s'est posée dessus ou autre chose. Il y a peut-être un touriste aussi qui va passer. Mais sérieux, pour l'hygiène. C'est protégé. Hein. Il y a un grillage. D'accord, qui n'était pas d'origine forcément, parce qu'on n'a pas découvert les grottes tout avec un grillage. Tout comme l'électricité. C'est vrai, c'est important. Et le guide. De préciser. Le guide est d'époque. Ça, c'est qui est pas guide. Les infos, on les trouve où? Alors, il y a la fromagerie des Tourelles pour les différents fromages, si on a envie de goûter et de déguster tous ces fromages, sinon le site de la grotte, évidemment. Oui, c'est ça, www.grottedehautton.be. Avec deux T et un S à grotte. C'est combien l'entrée de la grotte? Alors, c'est très démocratique. C'est une tranche de fromage. C'est, c'est 9,50€ pour les adultes ouais. et 6,50€ pour les enfants. Sans le fromage, il faut payer un peu plus. Oui. Et tu vois, bah voilà, une belle idée de sortie en famille, redécouvrir oui. non seulement le patrimoine gastronomique de nos régions, mais le patrimoine tout simplement mmh. avec plein de chouettes trucs à visiter, dont les grottes de Hotton. D'autant que madame a parlé de deux bières spéciales avec le fromage après. Oui. Donc, je pense que voilà, il y a moyen d'allier l'utile et l'agréable. On va réserver. Bah, moi, je pense qu'on une va heure de Bruxelles à peu près, Hotton. Oh, oui, bonheur. Plus ou moins une bonne heure de Bruxelles. Tu fais National 4, on y est très vite. Mais en même temps, Bruxelles n'est pas le centre du monde, donc ça peut être à 5 minutes du patelin d'à côté aussi. On est aussi très près du Luxembourg. Soyons très clairs. Bon, si vous avez des questions, ça c'est pour la fromagerie. Merci, mesdames, d'être venues. Vous laissez le plateau, hein, on avec va l'achever. Avec plaisir. Rassurez-vous, on va l'achever. Si vous avez des questions. Le plateau, vous... hein, pas vous, madame, rassurez-vous. Évidemment. Mais quel est con. Si vous avez des questions, c'est sur Facebook que ça se passe. On parle de fiscalité dans cette émission, émission spéciale. Oui, et vous pouvez également venir nous rejoindre via SMS. Vous nous envoyez votre petite question. Nicolas répondra d'ici quelques instants. Ça se passe au 3063. T'as vu, j'ai les doigts qui puent maintenant. Ah mais c'est comme ça. Une info incroyable, la DH double la durée de votre abonnement. Abonnez-vous maintenant 6 mois et recevez 6 mois entièrement gratuits. Oui, vous avez bien entendu, nous doublons la durée. Mais vite, vous avez 48 heures seulement. Offre valable uniquement ces 27 et 28 juin. Prêt à en profiter ? Rendez-vous sur dh.be. Offre soumise à condition. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be. Avec la DH et Moustique. Vivacité et la 2 présente Ovaphonique au Bodestival. Plus qu'un concert, un univers à explorer. Le Bodestival, c'est aussi Christophe Willem, Quentin Mosiman, Charcot, Grand Georges et les Frérots de la Vega, parmi une vingtaine de concerts, du 8 au 10 juillet, en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net. Réservez vos places sur bodestival.be. celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. No, we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Et ça arrive, le boum boum. Normalement, ça remonte, la musique. Ouais, je me dis, je vais attendre que ça pêche un petit mais coup. Non. Et il attend quoi? One more time. Bah oui, non, mais attends, c'est un peu exagéré, comme ça, on est en train de perdre du temps. Je tiens mes engagements. Hein. Ah bah oui. On ira juste au moment où on entend boum boum, quoi. Mais attends, il va falloir. Ça arrive, si, ouais, si, ça arrive. Ça vient, tu le sens bien, tu sens que ça vient. Non, à un moment, ça suffit. Ça y est, ça vient. Les trompettes de Jéricho sont de retour. Les trompettes arrivent. Voilà. Les trompettes arrivent, la batterie arrive. Attention. Ouais. Ah, mais donc, c'est quoi cette histoire? Ça arrive, ça monte. Oui, mais bon, ça monte. Ça fait une minute qu'on est censé. Enfin, c'est pas mal, une minute. Oui, mais ça suffit. Mais non. Mais attends, mais il va finir. Mais ça va être la fin du morceau. Il reste une. Non, je ne suis pas d'accord. C'est quoi ces. Ah. Voilà. Et voilà. Mais tout le monde, j'ai la fake sur Vivacité avec One More Time. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On a quand même un expert de la fiscalité belge autour de cette table. Oui, mais Nicolas, il est quand même rigolo. Hein. Oui. Il est sérieux, mais il est rigolo. On essaye toujours d'avoir des bons plans pour frauder, mais on n'y a pas encore réussi à obtenir quoi que ce soit. C'est possible de frauder? Non. Bon bah voilà, moi c'est clair. Bon, à défaut, des questions que les gens nous posent, Xavier. Oui, Laurence qui nous dit, alors là il va falloir s'accrocher. J'ai une question pour un ami. Il est séparé de sa compagne depuis fin 2014, pas cohabitant, légaux ni mariés. N'ayant pas de logement à lui, il était toujours domicilié dans la maison jusqu'en décembre 2015. Ils avaient acheté cette maison ensemble, emprunt en cours et remboursé par les deux parties que son ex occupe avec les enfants, pardon. Il a aussi payé une pension alimentaire pour ses enfants. Peut-il déclarer une pension pour toute l'année 2015 ou juste pour le mois de décembre? Une question de la maîtresse, donc on a compris. Oui, il avait des enfants avec qui? Ah ben avec son frère. Avec sa compagne, avec sa compagne dont il est séparé fin 2014, d'après ce que oui, je crois. Oui, mais il va pouvoir revendiquer la déduction des rentes alimentaires pour toute la période, effectivement, tout ce qu'il a payé pendant la période, il n'y a aucun souci. À partir du moment où il y a un domicile distinct et qu'il y a une séparation effective, on peut effectivement revendiquer la déduction des rentes, oui. D'accord. Autre question, Frédéric. Voilà, Nadine de Ucorgne. Il a du fromage en bouche. Excusez-nous, on est en direct, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est encore déductible comme travaux au niveau isolation, chaudière? Uniquement l'isolation. C'est le l'isolation seul, du bâtiment, pas les chaudières, c'est fini. C'est terminé. L'isolation, c'est les derniers. Alors, il peut y avoir des reports, c'est la raison pour laquelle vous avez encore des cas sur les reports d'anciens avantages fiscaux. Mm-hmm. Mais les seuls dont vous pouvez bénéficier à l'heure actuelle, c'est les travaux d'isolation du toit, effectivement. Ah ben voilà. C'est les derniers travaux qui. C'est bien déductible ou moyen? Oui, ça donne droit à une déduction à concurrence de 40%, tout à fait. Ça reste. Du montant global? Oui, du montant global avec un maximum de 3 050 euros, je pense exactement. Par personne, donc si on est un couple, on peut déduire 3 050 Par habitation. Ah oui. Ouais. Parce que là, il y a Annick justement qui nous envoie un SMS au 3063 nous demandant si elle peut déduire son prêt EcoPac pour un nouveau toit. Un nouveau prêt EcoPac, elle peut éventuellement bénéficier d'un avantage fiscal si c'est un prêt hypothécaire qui remplit toutes les conditions, mais sinon, il n'y a plus aucun avantage pour les prêts pour les investissements économiseurs d'énergie. Il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Sinon, on a Gérard Dutoit qui nous demande s'il peut tout déduire grâce à son nom de famille. Non, rien à voir. Ok, ça va. Bon, Xavier. Marie-Louise qui nous dit « Je paye le cadastre pour un bien que je n'ai pas loué d'octobre 2015 à juin 2016. J'ai revendu ce bien. Comment faire pour remplir ma

Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten. Avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten. La province, Nord-Éclair et la capitale vous offrent ce jeudi 30 juin un supplément gratuit sur le Tour de France. Plus de 30 pages pour tout savoir sur les équipes, les coureurs, les étapes et les principales difficultés de la grande boucle. C'est ce jeudi 30 juin et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Il est midi 30. Du journal avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. 12 mois de prison avec sursis, c'est la peine que se voit infliger un instituteur de Rennais devant le tribunal correctionnel de Courtrai. L'homme ne pourra plus enseigner non plus. Son école avait appris son implication dans une affaire de pédopornographie la semaine dernière via la presse. À 13h, nous verrons comment vous vous déplacez entre le domicile et le travail en Belgique. Il faut savoir que ce type de déplacement, ça concerne tout de même un trajet sur quatre en Belgique. Alors le ministère de la Mobilité vient de mener une enquête auprès des employeurs pour tout savoir sur votre façon de vous rendre au travail, histoire sans doute de fluidifier le trafic dans les années à venir. Et on sait qu'il y a du boulot en Belgique. Ce n'est sans doute pas ceux qui circulent dans le quartier européen en ce moment qui diront le contraire. Il faut dire qu'un sommet européen a lieu cet après-midi à Bruxelles. C'est le premier d'après Brexit. Les 28 se retrouvent pour évaluer la suite des opérations et après le feuilleton du référendum, les 27 ne veulent apparemment pas d'un nouveau feuilleton sur la sortie de l'Europe. Il faudra, disent les chefs d'État des grands pays, prendre des initiatives et plutôt vite. En tennis, Alison Van Uytvanck joue cet après-midi contre la Britannique Tara Moore à Wimbledon. En foot, c'est la surprise de l'Euro 2016. L'Islande part en quart de finale, un tout petit pays, enfin grand comme trois fois la Belgique quand même, mais avec seulement 300 000 habitants, c'est moins que la province de Luxembourg. Les Diables, quant à eux, sont à l'entraînement ce matin. Lors de ces entraînements, ce qui fait surtout parler, ce sont les absents. Thomas Vermaelen n'y était pas, dispensé dans la mesure où il ne jouera pas vendredi, ça on le sait déjà. Absence aussi du capitaine ce matin, Eden Hazard, héros des huitièmes de finale, se plaint de ses adducteurs depuis le premier match du tournoi. On verra ce qu'il en est dans le journal de 13h. A tout à l'heure, 13h Manu. On n'est pas des pigeons. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pas. Sera debout, mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi, je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert contre-coups? Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert ses rêves, même les plus fous? Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit. partir là où tout peut arriver. Extrait d'une comédie musicale qu'on a hâte de voir, Trois Mousquetaires, avec ce premier extrait prometteur, Olivier Dion, De mes propres ailes. Quoi, on n'y croit pas ? Si ? Hein ? Si, si. Si. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Nicolas Onon est toujours avec nous, conseiller général auprès de l'administration fiscale. Vous, de l'autre côté, vous êtes là aussi avec vos questions concernant évidemment la déclaration fiscale. Alors par SMS au 3063, nous avons eu ce SMS assez intéressant, interpellant. Voici l'histoire. Mon frère a son adresse chez moi, mais il n'habite pas chez moi. Est-ce qu'on paye des impôts pour lui ? Il est dans la composition de ménage, il touche le chômage. Ouf, mais bah, s'il touche le chômage, il remplit une déclaration avec son chômage et c'est son impôt qui va payer éventuellement sur son chômage. Mais c'est l'impôt du frère, c'est pas les impôts de la sœur ou du mais frère. Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas. La situation. Alors, on précise qu'on ne donne pas les noms à l'administration fiscale. On les revend. Même s'il y a des SMS ou des histoires qui nous arrivent, on se dit « Oula !» Non, allez, message un petit peu plus concret de Marie cette fois-ci. Elle nous dit qu'elle est copropriétaire dans un petit immeuble de 3 étages. Et elle explique que l'ascenseur date des années 70, mais fonctionne très bien. Elle pose juste cette question, peut-on déduire les frais de mise en conformité, cette conformité lui étant imposée à elle et aux autres copropriétaires de l'immeuble. Oui, mais malgré la conformité, à ce niveau-là, il n'y a absolument rien qui donne droit à un avantage fiscal, donc aucune déduction. Ouais, ça c'est malheureux. Au moins c'est clair. Au moins c'est la loi. C'est très très clair. Oui. Xavier, autre question ? Oui, une question de Xavier G, Émilie D, Frédéric D et Sébastien. Est-ce que les journalistes seront contrôlés cette année ? Tous les ans, évidemment. Bon. On ne peut pas acheter un non-contrôle, un pass, un golden pass. Comme à Wally V. Un VIP pass. Non, sinon une question de Sabine. Que se passe-t-il ? Et là c'est intéressant. Si on oublie de déclarer quelque chose. Mais c'est-à-dire qu'on oublie vraiment, c'est pas un de oubli bonne foi. De bonne foi, quoi. Ben, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent de bonne foi, effectivement. Tout le monde dit oublie. Je suis de bonne foi. Mais en fait, quand votre déclaration n'est pas correcte et qu'on entend la rectifier, on doit de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous contacter. Mm. Que ce soit pour vous faire venir au bureau et vous faire signer un accord, ou on vous envoie un courrier qui s'appelle un avis de rectification de votre déclaration. Moi, j'ai vu ça l'année passée. Vous avez reçu ça l'année passée ? Parce que j'avais oublié de joindre des documents annexes. Oui, ça arrive. J'avais oublié qu'elle avait une résidence secondaire à Knock. Elle est revenue à Panama. Non mais sérieux, et si on s'en rend compte qu'on a oublié un truc et qu'on veut, alors que la déclaration est envoyée, est-ce vous qu'on pouvez peut... Alors d'abord, si vous avez rempli une déclaration par internet vous-même, pas au SP Finance, jusqu'au 13 juillet, vous pouvez toujours la corriger. Donc, une seule fois. Imaginons que je l'ai envoyée, là c'est fait, et je me rends compte qu'il y a des frais de garde pour les gosses que j'ai oubliés. Vous pouvez je la peux corriger quand même. Une fois, vous pouvez la corriger. Okay. Bonus. Donc à la limite, attendez le 12 juillet, voir s'il n'y a pas des documents qui arrivent, vérifiez bien, et parce qu'on peut la modifier qu'une seule fois, la condition. 13 juillet, donc jusqu'au 13. C'est peut-être pas un super conseil d'attendre le 12, non, parce qu'en général, les derniers jours, je pense que le serveur, il est un peu saturé, non ? En principe, ça devrait aller. Le serveur, il est chargé maintenant surtout, mais la plupart des... On coupe des applications, il faut le savoir, pour pouvoir recevoir plus de déclarations. Au niveau du remplissage, ça se passe plutôt bien cette année, même les jours de grosse affluence. D'accord. Bon, alors maintenant, si on se rend compte qu'on a oublié un truc et qu'on a fait la déclaration papier. Alors ça, on peut toujours contacter son contrôle. D'accord. Vous contactez votre contrôle des contributions et vous précisez ce que vous avez oublié de déclarer effectivement. Et là, il change... Oui, alors ils modifient. Si évidemment c'est des frais, ils vont sans doute vous demander les justificatifs. Ouais, après, si votre impôt a été enrôlé et que vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, il faudra introduire une demande pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un dégrèvement. Ok. Voilà. Ok. Vous voulez une question de plus ? Oui, s'il vous plaît. Est-il vrai que si on ne paye pas sa redevance, sa taxe auto, on n'a pas son avertissement extrait de rôle. Ça retarde le remboursement de ses impôts. C'est tout à fait faux. C'est faux. Tout à fait ça s'enlève. Ça n'a rien à voir. L'un est régional et l'autre est fédéral. Hein. C'est tout à fait faux. Effectivement, ça n'a rien à voir. Des questions du côté de chez Fred ? Oui, évidemment. Les frais de restaurant, est-ce qu'ils sont déductibles ? Comment est-ce qu'on peut justifier que c'était professionnel ? Est-ce que je peux aller au resto le week-end avec toute ma famille et dire c'était professionnel, c'était pour un séminaire ? Oui, alors, sur le plan des frais de resto, d'abord, ils sont déductibles à concurrence de 69%, ça c'est sur le principe, pour autant qu'on puisse démontrer le caractère professionnel. Et comment est-ce qu'on fait pour démontrer? Parce que si je vais au resto avec ma femme dans un super resto et puis je dis que j'ai invité un client ou que j'ai invité mon patron. Bonne foi. C'est toujours, alors c'est toujours compliqué. Souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est préciser sur la souche les personnes avec qui vous êtes effectivement allé au resto et que démontrer que ces personnes ont effectivement un lien, je dirais, professionnel, hein, un lien avec vos revenus. Ça arrive. Ça arrive, effectivement. Si on fait un selfie avec la personne et la souche. Oh, c'est une très bonne méthode, mon cher Sébastien. Ça peut le faire. Mais comme journaliste, vous avez le secret des souches. Des sources, pardon. Mais ça marche, il y a une tolérance des restaurants. Mais disons que c'est comme dans tout, si on n'exagère pas en principe, ça ne pose pas de soucis. On ne va pas aller vérifier. Le week-end, on peut déduire aussi Si c'est professionnel, il n'y a rien qui... J'en ai sportif, par exemple, je travaille le week-end. Il n'y a rien qui impose que ce soit en semaine ou le week-end. Enfin, il n'y a absolument aucune limitation par rapport à ça. Maintenant, si chaque année, on voit que c'est le jour de votre anniversaire et que vous avez 4 gosses et que vous y allez à 5, peut-être bien qu'on va se poser des questions. Mais tant qu'on n'est pas dans l'exagération, c'est pas très grave. Les vêtements, est-ce que c'est déductible? Alors, sur le plan des principes, il y a une règle de base qu'il faut retenir sur les vêtements, c'est que tout ce qui est portable dans le cadre de la vie privée n'est jamais déductible. Jamais. Pour pouvoir être déductible, il faut que ça ait un lien avec une obligation. Par exemple, le cuisinier qui a un tablier de cuisinier, effectivement. L'avocat à la toge. L'avocat à la toge, ce genre de choses-là. Le magicien, son costume. Le magicien également, oui. Mais si c'est votre costume à vous, ou votre chemise, ou vos sous-vêtements, vous ne pourrez jamais revendiquer. Mais Rocco Siffredi, il peut déduire ses sous-vêtements. On pourrait discuter du type, sans rire, c'est pour ça que le groupe ABBA, qui était toujours habillé n'importe comment, eux, il y avait une volonté fiscale là derrière, parce qu'ils pouvaient déduire tout leur costume de scène. Parce que forcément, tu ne vas pas t'habiller comme un sac pour pouvoir les déduire. Non, mais tu n'allais pas t'habiller comme eux pour sortir en rue. Donc, voilà. Mais Stromae peut aussi, donc. Stromae pourrait aussi. Enfin, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore là pendant quelques minutes. On aura une autre salve de questions, mais il faut les poser, évidemment, ces questions. Oui, par SMS, c'est le plus simple et le plus pratique, je pense. Ça se passe au 3063, ou si vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez également nous envoyer une petite bafouille via la page Facebook de l'émission Les Pigeons. Avant ça, direction les plages avec Jean-Louis Aubert. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauvry à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvry.com. La Beauvry, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël, vous avez tout pour vous. T'as entendu ça? Quoi donc? Les soldes à Médiacité. C'est à partir du 1er juillet, avec non pas une, mais deux nocturnes. Le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, jusque 22h. Et le dimanche? Le dimanche aussi, de 11h à 19h. Oh, incroyable! Médiacité. Shopping, loisirs, plaisir. We'll be right back. Jean-Louis Aubert en 1987. Au bar parfois. Avec au bar aussi de temps en temps, à la plage en tout cas. Pas des pigeons. Allez, on termine. On a encore 4-5 minutes avec les questions des auditeurs concernant la déclaration fiscale. Oui, vous nous envoyez par SMS au 3063. Il reste un tout petit peu de temps. On parlait des épargnes de pension hors antenne, un sujet qui n'a pas encore été abordé. De nombreuses questions arrivent dans ce sens-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Jusqu'où on peut déduire? Alors, une épargne pension donne droit à un avantage fiscal, oui. Donc, si vous pouvez payer jusque 940 euros. Vous pouvez toujours payer plus, mais 940 euros, vous rentrez en considération pour avantage fiscal. Et là-dessus, vous avez une réduction d'impôt de 30%. D'accord. C'est intéressant, donc, de faire une épargne-pension aussi à ce niveau-là. Autre question, Fred. La différence entre épargne-pension et solde restendu pour la maison? Oui, la différence, c'est pas le même genre de... Enfin, c'est le même genre d'avantage fiscal, mais c'est pas les mêmes montants. En fait, l'épargne-pension, c'est carrément à part. Ce qui est assurance-vie, ça rentre dans le même pot finalement que tout ce qui rentre en considération pour l'habitation. Oui. Donc ça veut dire que si par exemple on a un prêt hypothécaire qui donne droit à l'avantage fiscal maximum et qu'on paye une assurance-vie ou une assurance solde restendue, elle ne donnera droit à rien du tout. Tout simplement parce qu'on a dépassé les montants limite maximum. Autre question, Fred. Les intérêts du prêt hypothécaire, c'est très important. Oui. Hein, on sait qu'on vend beaucoup de maisons pour l'instant puisque les taux sont très bas, donc on va déduire moins puisque les taux sont plus bas. Mais donc on peut déduire les intérêts de ce prêt hypothécaire. Ça marche comment? C'est uniquement pour la maison d'habitation principale et ça dépend d'une région à l'autre? Alors pour 2015, d'abord ce qui est important de dire, c'est qu'on fait une distinction entre l'habitation propre et les autres habitations. Donc l'habitation propre, c'est là où on est domicilié. C'est celle qu'on occupe, effectivement. Pas forcément le domicile, mais c'est celle qu'on occupe, effectivement. C'est le plus souvent aussi le domicile. C'est le plus souvent le cas. Et donc ça, ces avantages fiscaux-là, ça se trouve donc en cadre 9 de la déclaration, c'est les pages 9 et 10 de la déclaration. Ça, tout le monde le sait. C'est complètement régionalisé. Ah donc oui. Ça veut dire, en fonction de la région dans laquelle vous habitez, vous allez avoir des avantages fiscaux qui ne sont pas encore très différents, mais qui en 2016, donc pour l'année maintenant que l'on vit, sont en pleine modification. Et dans quel sens? Wallonie, prenons Wallonie d'abord. La Wallonie, on a l'introduction en 2016 du chèque habitat. C'est-à-dire qu'on donne un avantage fiscal uniquement pour l'acquisition ou la construction de son habitation propre en région wallonne. Et donc dans ce cadre-là, c'est un régime assez compliqué où en fait l'avantage fiscal est fonction du montant de vos revenus imposables. C'est-à-dire que si vous avez plus qu'un certain montant de revenus, 81 000 euros, vous avez droit à l'avantage, mais l'avantage est de zéro. Donc il faut avoir moins de 81 000 euros par contribuable pour effectivement bénéficier de cet avantage. De ce chèque habitat. Ouais. En région bruxelloise, le régime n'a pas changé, mais à partir de l'année prochaine, pas 2016, mais 2017, vous n'aurez plus du tout de bonus logement en région bruxelloise, mais vous aurez une réduction des droits d'enregistrement. Par contre, la Flandre, elle a gardé l'ancien régime de bonus logement, en limitant un peu les revenus, mais le régime reste le même. Donc les régions prennent vraiment des directions différentes. Dernière question, Xavier Tricot. Oui, les droits de mutuelle, enfin les frais de mutuelle, on peut les déduire ou pas? Parce qu'on s'est souvent évoqué, on reçoit parfois un papier de sa mutuelle disant qu'il y a des cotisations. Il y a une petite cotisation, à ma connaissance, je ne pense plus qu'il y en ait, mais dans le passé, effectivement, il y avait une petite cotisation qui était déductible pour les salariés, effectivement. Maintenant, pour les indépendants, c'est un peu différent. Les indépendants peuvent revendiquer la déduction de leurs frais de mutuelle, mais pour les salariés, non. On a fait un petit peu tout le tour. On pourrait encore poser plein de questions, mais malheureusement, il va falloir s'arrêter. On conclut tout ça avec les infos pratiques dans 5 minutes. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you.

Ah, ça s'achète, hein, ça peut s'acheter, ça peut aussi être fourni par des mutualités, certaines banques, je pense, en donnent aussi. Il faut savoir qu'on peut utiliser les lecteurs de cartes qu'on utilise pour les banques, qu'on peut utiliser des lecteurs de cartes qu'on plug sur son ordinateur, et qu'il y a même des évolutions, on peut aujourd'hui quasiment faire ça depuis... Via une application smartphone, et il y a aussi, on n'oublie pas, les identifications avec token, exactement, de papier qu'on a reçu. Merci Nicolas. On est passé chez nous d'avoir répondu aux questions de tous les auditeurs. Tom Alérides, vous avez des trucs à dire sur votre déclaration fiscale? Non, je préfère que ça reste secret, mon cher ami. Oui, parce que mais en même temps, il a votre nom, hein. Il a votre adresse. C'est vrai, si je bête. De toute manière, si vous mouftez pas, hein, parce que vous allez vous faire gauler un jour. Bon, sinon, on va parler moins pragmatique cet après-midi. Ça vous intéresse ou pas? Allez-y. Le mystère féminin. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Vous n'aurez pas ces deux heures. Hein. C'est déductible. Oui, après ça, j'en sais rien. On posera la question à notre invité. Mais le mystère féminin, percer le mystère, tout ça, les histoires de cycle chez les femmes, ça vous parle? Oui, ça c'est le plus important. Voilà, non, ça c'était Kevin De Bruyne qui répondait à votre question. Évidemment qu'on va être attentif. Très bien, on est parti. Bon après-midi. Merci à vous aussi, on se retrouve demain dès 11h évidemment pour une nouvelle édition. Nous, cet après-midi donc, comment comprendre le mystère féminin? Vaste question, l'idée c'est jusque 15h de tenter de comprendre entre autres les cycles de la femme, de les reconnaître et de les vivre pleinement pour améliorer la relation entre les hommes et les femmes. Notre invité a mis en place des cercles de femmes autour du cycle féminin. Ce qu'elle vous dira, c'est qu'en découvrant les phases de son cycle, la femme se relie à qui elle est, au plus profond d'elle-même, ce qui lui permettra de s'accueillir et de prendre du recul. Venez donc prendre la parole cet après-midi à propos du cycle de la femme. La femme est reconnue pour changer d'humeur assez souvent, qu'est-ce que vous en pensez? L'homme est-il plus constant? Les menstruations perturbent-elles l'efficacité de la femme? Les hommes comprennent-ils vraiment les femmes et inversement? Nous avons tous en nous une part féminine et une part masculine, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Bénédicte Méry sera votre invitée après les infos. Elle anime des ateliers, conférences sur le mystère des cycles féminins, mais également des cycles féminins et masculins. Avec elle, on reviendra sur tout cela jusque 15h. Vous pouvez intervenir dès maintenant, si vous le souhaitez, par téléphone au 070 23 33 23, par SMS au 30 63 50 centimes. Vous pouvez aussi réagir via la page Facebook de l'émission. Et la conversation démarre après le journal de 13h et après la météo. Bonne journée à tous. On espère quelques éclaircies sur l'ouest et le centre. Les averses s'éloignent par le sud-est. Les températures iront de 18 à 20, voire 21 degrés aujourd'hui. Le vent deviendra progressivement modéré. On aura de fines pluies la nuit prochaine. Elles disparaîtront déjà demain matin pour laisser la place à de belles éclaircies. Dans le courant de la journée, demain, le ciel va se couvrir. On attend 18 à 20 degrés. Et la pluie sera de retour pour la journée de jeudi, mais en faible quantité. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. 12 mois de prison avec sursis pour cet instituteur de Rennes qui avait des penchants pédopornographiques. L'homme ne pourra plus enseigner non plus. L'école l'avait déjà suspendu la semaine dernière en apprenant par la presse qu'il était jugé pour ces faits. Pour aller au boulot, vous utilisez votre voiture essentiellement. Le vélo, le télétravail sont en augmentation mais ça reste limité. C'est le résultat d'une enquête menée par le SPF Mobilité auprès des employeurs. En foot, nous irons voir qui sont ces surprenants Islandais qui viennent de se qualifier pour les quarts de finale à l'Euro 2016. Et on prendra des nouvelles des Diables. Ils s'entraînaient ce matin. Eden Hazard souffrant, il n'est pas sur la pelouse du Hayan. De quoi s'ouvre-t-il? On essaiera d'en savoir un peu plus avec Manu Jousse à Bordeaux. Votre édition de 13h, Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 12 mois de prison avec sursis, c'est la peine que se voit infliger un instituteur de Rennes devant le tribunal correctionnel. L'homme ne pourra